L'invité du jour avec Prisca Aïman. Shalom encore, comme annoncé, nous allons maintenant décrypter quelque chose côté santé. Les Saintes Écritures déclarent que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. L'organisme étant très complexe, Dieu a donné de son intelligence à des hommes et à des femmes, en l'occurrence des anthropologues, des médecins, des spécialistes, en vue d'un décryptage de l'organisme humain. Aujourd'hui, l'invité du jour est un médecin, une femme spécialiste, vraiment des questions de pédiatrie. C'est le professeur Adonis Kofi Lawrence, chef de service de pédiatrie, directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique, voilà, de Yopougon, bien sûr. Alors, on va parler de quelque chose de très important. Très important. C'est un organe qui produit et évacue l'urine. C'est aussi un organe de l'excrétion de l'urine. D'une hauteur moyenne de 12 cm, sur une largeur de 3 cm et une épaisseur de 3 cm, et un organe qui est doté d'une forme de haricot. Cet organe est composé d'un système permettant de produire l'urine et de conduits permettant d'éliminer cette urine. Et cet organe contient environ 1 million de ces unités productrices d'urine qui sont nommées les néphrons. De quoi s'agit-il? Je vous mets dans un suspense qui pince, mais tout à l'heure, on va décrypter. Ce sont des indices que seul un médecin, un médecin peut en réalité décoder. Tout à l'heure, on va donc décoder. Pour ça, bonjour. Bonjour Prisca. Bonne arrivée. Merci. Alors, je doute fort que vous ne puissiez pas connaître cet organe dont je parle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'organe avec lequel je vis tous les jours. Quand je dis je vis à l'intérieur de moi, oui, mais aussi avec mes patients, c'est ça. C'est l'organe noble qu'est le rein. Ok, R-E-I-N, le rein. Ce petit organe, on l'a dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut avoir une approche définitionnelle du rein au Sardonis? Alors, le rein est un organe dont il en existe deux. Il faut savoir que l'homme vit avec deux reins et qui est un organe dit noble, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas vivre sans la fonction du rein. Bien qu'on puisse vivre avec un seul rein, je réponds peut-être déjà à une de vos questions. D'accord, on y reviendra. Bien qu'on puisse vivre avec un seul rein, il y a une compensation, mais le rein est l'organe qui est dit l'organe chimiste. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations au niveau de l'organisme pour assurer l'équilibre, si on peut dire comme ça, c'est ça. De l'organisme. Et le rein intervient dans de nombreux métabolismes. Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, sa principale fonction est d'épurer et d'évacuer l'eau en excès dans l'organisme. Voilà pourquoi lorsqu'il marche mal, les personnes et les individus qui en souffrent présentent souvent un enflement, un gonflement qu'on appelle l'œdème. C'est ça. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut vivre avec un seul rein. Ah. Bon, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais on va voir la réponse tout à l'heure avec vous. Est-ce qu'un seul rein, est-ce qu'il peut fonctionner normalement? Alors, effectivement, nous avons des patients pour lesquels une pathologie, soit un cancer d'un rein ou une pathologie importante, a entraîné ce qu'on appelle une néphrectomie, c'est-à-dire l'ablation chirurgicale du rein contralatéral. Et effectivement, la personne a une vie pratiquement normale avec un seul rein. Il existe aussi des reins uniques dès la naissance. Ah. Et on constate effectivement que cet enfant ou cet individu a un seul rein et il a une vie parfaitement normal. À ce moment-là, ce qui est demandé, c'est de faire une surveillance continue pour s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement de cet organe unique, mais c'est tout à fait compatible avec la vie. C'est ça. Il y a alors, pour ceux pour lesquels l'autre rein, le rein contralatéral a été enlevé, il y a une compensation avec une légère augmentation du volume du rein restant qui, par la grâce de Dieu, effectivement, se met à remplacer la fonction du rein manquant. Mmh. Mais c'est, je vous le dis, c'est compatible avec la vie. D'accord. Alors, j'ai parlé de l'excrétion de l'urine. Je l'ai employé en tant que littéraire, en tant que journaliste et tout ça. Mais est-ce qu'on peut avoir un décryptage, vu donc de la spécialiste que vous êtes? L'excrétion de l'urine, c'est quoi? Alors, l'excrétion de l'urine, c'est peut-être même une phase déjà terminale. Mmh. Parce qu'au niveau du rein, j'aimerais vous l'expliquer, mais en même temps, en me faisant comprendre du grand public. C'est ça. Donc, employer des termes pas trop agressifs ni rébarbatifs. Au niveau du rein, il y a plusieurs parties. Mm-hmm. Il y a la partie qu'on appelle le glomérule, qui est une partie qui est complètement baignée dans les vaisseaux sanguins. Et nous avons des vaisseaux, des artères qui arrivent donc au niveau du rein, mm-hmm. avec tous les déchets de l'organisme. Et là, il y a comme des filtres. On a un filtre qui s'appelle la membrane basale au niveau du glomérule qui filtre certains éléments qui se trouvent dans le sang et justement qui laisse passer tout ce qui est déchets toxiques, si on peut dire, d'une certaine grosseur, voilà, d'un certain volume. Les plus petites passent à travers ce filtre et les plus grands retournent dans le sang ou seront épurés par le rein à un autre endroit. Après ce glomérule, il y a ce qu'on appelle le tubule. Alors, les médecins appellent ça la anse de Henle, qui a une branche descendante et une branche montante. Et à ce moment-là, au niveau du tubule, il y a d'autres échanges qui se font, qui ne se passent plus à travers un filtre, mais à travers des mécanismes passifs ou actifs. Et là encore, le rein intervient dans pas mal de choses, dans la régulation, le métabolisme du calcium, mm-hmm. dans la régulation de la pression artérielle, dans la régulation de ce que nous on appelle acido-basique, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a un niveau de taux d'acidité dans l'organisme qui est représenté par le pH, ce sont des grands termes, mm-hmm. mais là le rein intervient sur tous ces éléments, c'est pour dire que vraiment, il ne porte pas le nom de grand chimiste pour rien. C'est sans ça. Compter que le rein a aussi une fonction endocrine, si je peux dire comme ça, parce mm-hmm. qu'il sécrète également des hormones très importantes. Il y a une hormone qu'on appelle l'EPO, l'érythropoïétine O, mm-hmm. qui est indispensable dans la fabrication du globule rouge. Mm-hmm. Or, on sait que le globule rouge, c'est le sang, ce qui explique que quelqu'un qui est en insuffisance rénale, du fait du déficit de cette hormone, mm-hmm. va faire des anémies à répétition, sera transfusé de façon répétée. D'accord, voilà, on essaie de comprendre quand même. C'est vrai, la terminologie médicale n'est pas du tout à notre portée, mais nous apprenons parce que cette émission aussi est didactique. Nous, dans la science infuse, on le dit. Et nous apprenons beaucoup avec le professeur Adonis Kofi-Laurence, chef de service de pédiatrie, directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique. C'est au centre hospitalo-universitaire de Yopougon, à l'unité de néphrologie pédiatrique. C'est elle que nous recevons par la grâce du Seigneur, qui nous instruit et qui instruit le dossier du rein, cet organe vraiment qui fait du bien. Voilà, nous ne connaissons pas la fonction, mais elle nous l'explique ici. Il y a une fondation du rein qui a été portée sur les fonts baptismaux en 2002. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'historique et puis quels sont les objectifs justement de cette fondation-là? Alors, j'avoue que la Fondation du Rhin n'est pas le seul organisme à s'occuper du Rhin. Ok. C'est peut-être même une fondation des plus récentes, mm-hmm. vous dites 2002, et elle est plutôt très francophone, la Fondation du Rhin. Mm-hmm. C'est surtout très connue en France, en Suisse, en Belgique depuis 2002, mais qui a un rôle très important. Parce que aux côtés de l'ISN, International Society of Nephrology, c'est la Société internationale de néphrologie, qui est la société savante qui regroupe toutes les autres sociétés des autres pays concernant le rein. Mm-hmm. Donc ce sont ces grandes fondations et ces sociétés savantes qui impulsent un petit peu la politique par rapport à la prise en charge, par rapport aux événements qui tournent autour du rein. C'est ça. Et effectivement, la Fondation du Rein joue un grand rôle dans la médiatisation de la Journée mondiale du Rhin, mm-hmm. surtout dans les pays francophones et dirais en France également. C'est cela. Alors la transition est toute trouvée pour parler justement de cette Journée mondiale du Rhin qui a été célébrée par toute l'humanité le 8 mars. Le 10. Le 10 mars dernier. Alors, est-ce qu'on peut voir le thème et puis le déroulé de la cérémonie ici sur la terre des Burni en Côte d'Ivoire? Alors, peut-être juste un peu d'historique. Oui. La Journée mondiale du Rhin est à sa 11e édition. Okay. Donc, ça fait 11 ans que la Journée mondiale du Rhin a été initiée, justement par les fondations du Rhin et les sociétés savantes du Rhin. Et l'objectif premier était de sensibiliser les populations et les pouvoirs publics à l'existence des maladies rénales. Mmh. En Côte d'Ivoire, nous en sommes à la 6e édition. Et je voudrais ici saluer la CINEF, la Société Ivoirienne de Néphrologie. Vous voyez qu'à côté des sociétés internationales, il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est déjà bon. La Société Ivoirienne de Néphrologie a mené donc justement cette action de célébrer les Journées mondiales depuis 6 ans. Donc nous en sommes à notre 6e édition. Et là, j'interviens particulièrement parce que depuis l'année dernière, les membres de la Société Ivoirienne de Néphrologie m'ont permis de dire un mot de l'enfant. Oui. Les maladies rénales de l'enfant. Oui. Et notre petite célébration en Côte d'Ivoire ici a fait l'objet d'un rapport qui est parti aux États-Unis, particulièrement à l'ISN. Et là, ça a eu un impact quand même auprès des instances internationales qui ont pensé que depuis 11 ans, on n'avait jamais célébré l'enfant. Ah, mais ils ne se sont pas informés ou quoi hein? Alors, c'était sur la base donc de notre rapport, mais également d'autres choses concernant l'IPNA, la Société internationale de néphrologie pédiatrique. Et du coup, ils ont pris la décision en 2016 que dans le monde entier, les journées mondiales du Rhin se feraient autour de l'enfant. C'est dans ce sens que cette année, nous célébrons la journée mondiale du Rhin dédiée à l'enfant. C'est cela. Le document que vous avez donné tout à l'heure, dans ce document, vous dites qu'un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes dans le monde. C'est quand même énorme. Oui, et nous pensons que c'est sous-estimé dans les pays en développement, puisque les populations sont sous-médicalisées et que le diagnostic des maladies rénales requiert souvent de tests biologiques pour lesquels nos patients ou nos parents dans les villages n'ont pas accès. C'est ça. Donc c'est véritablement, à notre sens, un taux qui est méconnu dans notre environnement, mais qui est probablement sous-estimé. C'est cela. L'invité du jour avec Prisca Aïman. Voilà, on n'a pas forcément fini de parler justement du Rhin dans cette émission. Mais cette année, c'est avec quel thème vous avez évolué, je veux dire, voilà. C'est vrai, je m'en excuse, on est resté sur l'historique. Oui. Votre question, c'était bien le déroulé des Journées mondiales du Rhin. Eh bien, en Côte d'Ivoire, les Journées mondiales du Rhin se sont déroulées en 4 jours. Il y a eu 2 jours, les 8 et les 9, pour le dépistage. Et le thème était « Kidney disease and children, act early to prevent it », c'est-à-dire les maladies rénales de l'enfant, agir tôt pour les prévenir. Et les manifestations se sont faites grâce à certains acteurs que je voudrais citer. C'est le Programme national de prévention des maladies non transmissibles, le Programme national de santé scolaire et universitaire, la Société ivoirienne de néphrologie et nous-mêmes, l'unité de néphrologie pédiatrique. C'est cela. Alors, ces 4 acteurs ont décidé que les 8 et 9, on partait en dépistage et nous avions visé 10 000 enfants dans les différentes écoles des 5 régions de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que ce quota a été atteint ? Alors, nous avoisinons les 8 500. Les résultats sont en train d'être colligés. Et nous avoisinons les 8 500 enfants. Et c'était dans les villes de Bassam, d'Abidjan, de Dabou, de Mans, d'Odiéné et de Yamoussoukro. Alors, ça a consisté surtout à contrôler les urines des enfants avec des bandelettes urinaires de 10 paramètres. Et c'est très important parce que ça nous permettait de voir s'il y avait du sang, s'il y avait des protéines, mais plus que ça encore, s'il y avait une infection urinaire, s'il y avait du glucose dans les urines. Donc, c'est ça. Je pense que les résultats vont être très probants. Et après les 2 premiers jours de dépistage, qui répondaient bien à agir tôt pour les prévenir, puisque c'était de la prévention, nous avons eu le 10 mars une journée de formation et de sensibilisation à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'amphithéâtre du district, où toute la journée, il a été question de former les médecins, la population, les patients sur les principales maladies rénales qui sont les plus fréquentes en Côte d'Ivoire et surtout chez l'enfant. C'est cela. Et enfin, l'apothéose, ça a été l'inauguration le 11 mars du centre d'hémodialyse pédiatrique à l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. C'est cela. Donc voilà un petit peu le déroulé des Journées mondiales du rein. Voilà. C'est avec donc ces paroles comme ça de décryptage justement du déroulé de cette journée mondiale qui célèbre le rein que nous sommes obligés de dire au revoir. Voilà, c'est un goût d'inachevé, mais ce n'est que partie remise parce que le vendredi prochain, le professeur Adonis Kofi Laurence, chef de service de pédiatrie et directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique au centre hospitalo-universitaire de Yopougon, donc de l'unité de néphrologie pédiatrique, reviendra pour remettre le couvert et puis on va apprendre beaucoup de choses encore, surtout sur les pathologies du rein. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve par la grâce de Dieu le vendredi prochain. L'invité du jour avec Prisca Aïmont.